Kenji, m'en bats les couilles de la vie de l'autre. Okay. Je voulais trop la Kenji, direct, ils m'ont mis les menottes. Elle m'a sorti des feintes, casse pas la tête, je paye la note. Elle fait la fraîche, elle est quinte, là j'ai 34 dans l'enveloppe. On dirait que de Marrakech, on fait des sons, on fait des loves. Et quand on a connu la dèche, là c'est trop long pour que j'développe. On a squatté les bons de la test, plus de politesse, y'a pas de love. Ça baisse la polia dans le vitel et je fais partir le cul de la gosse. J'te promets, ah j'étais paumé. Vodka, jus de pomme, j'avoue j'ai trop déconné. Faut rester honnête, toujours tenir ses promesses. Des frères qui tournent au bon, mais veulent tous nous mettre les gourmets. J'te jure, j'te promets, là j'étais paumé. Vodka, jus de pomme, j'avoue j'ai trop déconné. Faut rester honnête, toujours tenir ses promesses. Des frères qui tournent au bon, mais veulent tous nous mettre les gourmets. J'fume des quantités, de quoi me décoller les poumons. Okay. Toujours la qualité, j'aime bien l'odeur dans le pochon. La bonne mentalité, faut rester droit, faut rester bon. Regarde les qualités, t'en bats les couilles de ses défauts. J'suis tout seul dans la zone, j'nique les paquets de frein. J'suis tout seul dans la zone, tu connais le refrain. J'suis tout seul dans la zone, j'nique les paquets de frein. J'suis tout seul dans la zone. J'te promets, ah j'étais paumé. Vodka, jus de pomme, j'avoue j'ai trop déconné. Faut rester honnête, toujours tenir ses promesses. Des frères qui tournent au bon, mais veulent tous nous mettre les gourmets. J'te jure, j'te promets, là j'étais paumé. Vodka, jus de pomme, j'avoue j'ai trop.